بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في درسنا في شرح معتقد الاعتقاد الإمام المقدسي رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي أخذنا ماذا تقريبا؟ عدد القبر والعين. نعم، شتي من لاتوم سي ديليس نقطتان على نعم نقطتان في السور دو سوف دون لا ترومب شفاعة وكذلك حشر الناس rassemblement des gens. طيب نواصل. فقال المؤلف رحمه الله تعالى après qu'il s'est dit toutes les choses là c'est les choses qui ont lieu après la mort. قال فيحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين تتطاير صحف الأعمال إلى الإيمان والشمائل. قال الله عز وجل فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Il est dit que après Allah subhanahu wa ta'ala, les serviteurs, que leurs livres leur seront exposés et que les ballons seront dressés. Et que les œuvres seront pesées. Les livres seront rendus également. Puis il cita la parole d'Allah dans Surat Al-Shikaq, dans le sens où il dit, quant à celui qui recevra son livre, sa main droite, il aura droit à un compte facile. Et en tournant auprès de ses proches, heureux. Quant à celui qui recevra son livre de derrière son dos, alors il appellera la destruction. Il ira au feu. Donc là, il parle, il fait allusion au hisab. Le hisab, comme un collège en fémin, le ratan ou l'adad, le nombre. Wa shal'an ittila'u Allahi ibadahu ala a'malihim. Ou plutôt itla'u Allahi, ou laissa itla'. Là, c'est la waz if'al, ya hamza. Itla'u Allahi ibadahu ala a'malihim, que Allah fera voir serviteurs leurs œuvres. Donc ça c'est thabit bil kitab wa sunnah wa ijma' al muslimin. Comme qu'a dit Azza wa Jal, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Que ce sera vers nous que sera leur retour et c'est vers nous que seront rendus les comptes. Fa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه يتجاوز عنه. رواه أحمد. وهذا قال الألباني إسناده جيد. كل النبي صلى الله عليه وسلم qui veut comme دعاء dans sa salat parfois, oh Seigneur, fais-moi un rendu de compte facile. Et Aïcha, elle demanda, qu'est-ce que le rendu de compte est facile? Quel est-il? Il dit qu'il regarde dans son livre et qu'il le gracie. Ce qui est dans le livre, parmi ces actes qui sont nommés, d'accord, il passe dessus. Car en vrai, comme a déjà fait hadith, « Man nuqisha hisabuhu » celui dont le compte, les œuvres seront débattues, lui, pour lui, ce sera très dur par la suite. Alors que ça, c'est pour le kafir. Alors que le mu'min, c'est juste, on lui cite ce qu'il a fait et reconnaîtra. Mais celui dont on débat les choses, lui, ce sera plus dangereux pour lui. Donc les sifat du hisab, comme encore les chers en c'est que le croyant se retrouvera avec Allah subhanahu wa ta'ala et lui fera connaître ses péchés. À tel point qu'il en verra tellement qu'il croit qu'il est perdu. ثم الله يقول سترتها لك أو سترتها عليك في الدنيا وأنا أخفرها لك اليوم فيعطي كتابه كتاب حسناته. Donc il dit quoi? Que le abd sera avec son seigneur, que le abd sera avec son seigneur et il dira, il lui fera connaître ses erreurs, il reconnaîtra tout. Et après Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, je t'ai caché en ce bas monde. Aujourd'hui, je te pardonne. Après, on lui donnera le kitab de ses hasanat. Quant au kafir, el munafiqun, comme a dit le hadith, fayunada bihim ala ru'us al-khala'iq, ils seront appelés devant tout le monde. Ha'ulai allazina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Ceux-là sont ceux qui ont menti sur le Seigneur. Et la malédiction d'Allah sur les injustes. Et le hadith est muttafaqun alayhi, le hadith d'Ibn Omar. Et ce hisab, personne n'y échappera, hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hormis ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura fait exception, qui sont les sab'un alf, 70 000 qui entreront au Jannah, sans la bila azab ou la hisab, sans rendre compte ni châtiment. Et parmi eux, Ukasha ibn Mihsan. D'accord, comme dans le hadith de Ibn Abbas. Il y a une ziyada qu'on avait pris dans ce hadith, que chacun d'entre eux viendra avec 70 000 autres. Non. Et les premiers qui rendront les comptes, c'est cette umma, les muslimoun. Comme a déjà fait le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyama fa al-muqda baynahum qabla al-khala'iq. متفقون عليه عن ابن عباس رضي الله عنه qu'il a dit que nous sommes les derniers, c'est-à-dire venus, et les premiers qui seront jugés devant tout le monde. وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. Nous sommes les derniers des communautés et les premiers qui rendront des comptes. La première chose sur laquelle des comptes seront rendus, أولاً حقوق il y a hukukullah, les droits d'Allah, qui sont la salat. La première chose sur laquelle le Abbas s'interroge, c'est la salat. Et tout ce qui sera trouvé comme manque de sa salat sera comblé par ses nawafil. D'où les savants, les ulama, souvent quand ils sont questionnés sur des choses qui ont échappé dans les wajibat, ils disent un tuksir min nawafil. Fais plus de surrogatoire, comme ça, inshallah, les serpents comme l'akiyama, ils combleront ce manque qu'il y a eu avec masalim, cette ibadah qui était échappée. Pour combler. Et dans les droits des gens, la première chose qui sera sur laquelle on rend les comptes, c'est le sang, la vie des gens. Qui aurait été tué et pourquoi elle a été tuée. فَيُقَدَّمْ حُقُقُ اللَّهِ ثُمَّ حُقُقَ الْعِبَادِ. Comme a dit le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء يعني في الدماء متفقون عليه. La première chose qui sera jugée entre les gens, le Melkiyama, ce sont les sangs, c'est-à-dire les vies. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Ensuite, il y a la balance. Et cette balance, elle a deux plateaux. Et une langue, elle parlera. Et par cette balance seront pesées les œuvres, les actes des ibad. Qala azza wa jalla dans le sens que celui dont les balances pèseront lourd, ceux-là sont ceux qui ont science, c'est-à-dire qu'ils pèsent lourd de bonnes actions. Quant à ceux qui seront légères, c'est-à-dire de bonnes actions, ceux-là sont qui seront perdus leur propre personne, qui seront éternellement au feu. Wa dil aya yu'na biha al-kuffar. Le kuffar. Donc ça, c'est les choses qui sont venues avec les preuves de Adillah du Kitab wa Sunnah. Comme le prouve cette ayat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit le Nabi Hurayra, muttafaqun alayhi, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, faqilatan fi mizan, subhanallah wa bihamdi wa subhanallah al-azim. Il a dit deux paroles qui sont aimées auprès d'Allah et qui sont légères pour la langue et qui sont lourdes sur la balance. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Donc il y a ijma des salafs sur cette mizan. Et les Mu'tazila, eux, ankaru hadhal mizan, ils l'ont renié. Pour eux, ils ont fait un ta'wil, que pour eux, le mizan, c'est le adl. Car pour les œuvres, ce sont des choses abstraites, on ne peut pas les peser. Donc ils disent que c'est quoi le mizan, il ne sert à rien, il n'y a pas de mizan. Ce mizan, le maqsoud bihi, al-adl, la justice. Et كذلك les khawarij ankaru hadha al-mizan. Et ceux qui ont renié ce mizan, nous appellent al-wazaniyya. Et tu sais que les Mu'tazila et les khawarij, ils ont beaucoup de similitudes. La siyama fi hadha al-bab. Fi al-khuruj ala al-hukam, dans le takfir. Et fi al-mizan hadha na'am. Donc c'est une vraie balance. Haqiqi. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, dans cet homme qui viendra avec une carte sur laquelle il y aura écrit « La ilaha illallah ». Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam « Fa tuda'u al-sijjilat fi kaffa wa al-bitaqa fi kaffa » que ses actes, les registres contenant ses œuvres seront posés sur un plateau et la bitaqa sur laquelle il écrit « La ilaha illallah » sera sur un plateau. Et la bitaqa l'emportera sur les œuvres. Et d'ailleurs, dans ce hadith, ça appelait, le tawhid a été appelé Hasana. Comme a dit Allah Azza wa Jal dans le hadith Qudsi, dans ce hadith, il dit Inna ladayka indana Hasana, la zoum al-yom. Tu as certes une bonne action. Quand l'homme il a vu tous ses actes devant lui à perte de vue, il s'est dit je suis fichu. Et Nabi Sassam dit que Allah SWT a dit Inna laka ladayna yani Hasana. Tu as une hasana avec nous. Donc pas d'injustice, on va te la peser aussi celle-ci. Et cette hasana qu'il avait, c'était quoi? La tawhid, qui a emporté sur toutes les autres mauvaises actions. Et que Allah a voulu lui pardonner. Maintenant, il se peut que des gens, ils aient également le tawhid, et que Allah leur fasse passer un temps au feu. Amal muwahid, la yakhrouj fi an-nar. Le muwahid, lui, il n'est pas éternellement au feu. Après, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que c'est une seule balance, plusieurs balances? Il y en a qui disent, ils ont pris la parole des textes, ils disent que c'est plusieurs balances, et d'autres ils se sont dit non, lorsque le mot de balance, mawazin, vient au jam, le murad bihi, c'est les armel. C'est les armel. Donc les gens du bien, kitabuhum yu'ta min ayn, les gens du bien, par où ils recevront leur livre? Yamin. Naam. Et les autres le recevront à la gauche ou alors derrière leur dos. Ça c'est le kafir. D'accord? Kafir. Son livre le recevra par la main gauche ou derrière son dos. ثم ذكر مسألة أخرى مثلا المسألة العشرون ولنبينا صلى الله عليه وسلم محمد حوض في القيامة ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبارقه أعداد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Nouvelle masala, celle du Haoud, du bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il aura un bassin, yom al-qiyama, dont l'eau sera plus blanche que le lait, plus douce que le asel, et dont l'odeur également est meilleure que celle du misc, et dont les récipients seront au nombre des étoiles dans le ciel. Et celui qui en boira une seule gorgée n'aura plus jamais soif après cela. فالحوض شرعا كما قال الشيخ عثيمين حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. Que c'est un bassin dont l'eau vient du Kawthar qui se trouve au Jannah. Et ce bassin on le verra quand? يوم القيامة. Et qu'il est pour le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Donc ce bassin, il y a ijma' des salafs sur sa présence. Et les Mu'tazila, les Khawarij, les Rawafid, eux l'ont refusé, ils l'ont renié. Donc ce Haud, sa sifat, comment il a une longueur ainsi qu'une largeur d'un mois de marche. Et on a dit que ces récipients sont au nombre des étoiles dans le ciel. Et son eau est plus blanche que le lait, plus douce que le hassel et de meilleure odeur que le misk. Et d'où provient son eau? Sa source provient du Jannah. À travers des gouttières, l'une d'entre elles est en or et l'autre est en argent. Donc là, les mu'minoun y viendront, d'accord? Et ce haud en seront rejetés les mubtadi'a. Kamadja'a, des gens vont venir pour boire et ils seront éloignés. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ashabi, ashabi. Ou ummati ummati. Fayuqalu lahu innaka ma tadri ma aghayru ba'dak. Quand il voudra appeler pour eux, il dira mes compagnons, ou ma communauté, il lui sera dit, je ne sais pas ce qu'ils ont changé après toi. Fakala bourdan ou surkan liman badal wa ghayyar. Que sont éloignés ceux qui ont changé et qui ont modifié. Et quand il dit ashabi ashabi, d'accord, ce sont peut-être des gens qui, après lui, après sa venue, ont fait part d'une faire qu'il n'a pas connue. D'ailleurs, le khabith d'Islam ibn Ahmed se sert de ce hadith-là pour dire que parmi les sahaba, certains sont, il y a des foussaks parmi eux. Et que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ashabi, ashabi, il dit, il y a des compagnons qui sont rejetés du haoud. Faisant croire que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait tous les munafiqins. Il ne les connaissait pas tous. Ah, ils ne les connaissaient pas tous. Parmi les preuves que ce Haud wa Mawjoud al-An, il est présent maintenant, déjà fait le hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa inna wallahi l'anzuru ila Haudi al-An, wa inni wallahi l'anzuru ila Haudi al-An. Il ne dit pas Allah, je vois mon bassin maintenant. Rawahu Bukhari. Après, il y a eu un khilaf. Tamam. Cheikh Othaymin, il voit que chaque Nabi aura un haoud, un bassin. Lakin, akbaruha wa avamuha wa ksaru wa rida wa haoudin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que le plus grand, le plus immense, et qu'il y aura plus de gens sur le sol du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. كما جاء في حديث رواه الترمذي إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن يكون أكثرهم واردة. Qu'il a dit que chaque prophète a un haud. D'accord, que tous souhaiteraient avoir le plus de gens dans ce haud. Juste celui qui en aura le plus. Et ce hadith, طيب يا خلاف قطسون من حيث الصحة الشيخ الألباني لولا إلى صحح يدوش نون ضعف كذا السنة دي عن ضعف لكن صنفيز دي بجامد طرق يعني بلغة مرتبة الاحتجاجية يعني يحتج به il est pris comme argument. Donc ceux qui voient la faiblesse du hadith voient qu'il n'y a pas de preuves qui disent que d'autres anbiya ont un bassin. D'autres qui voient que le hadith il est sabit voient que pour d'autres anbiya il y a un bassin également. ثم قال رحمه الله تعالى والصراط حق تجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. Après par du sirat. Sirat, c'est le pont au-dessus de la Jahannam. Ce pont est une vérité. Il sera passé par les gens pieux. Les fujjar, eux, ne passeront pas. Ils tomberont. As-sirat lughatan comme a zakara al-sheikh at-tariq. As-sirat at-tariq. Ihdina as-sirat al-mustaqim, le chemin droit. Wa shal'an al-jisr al-mamdud ala jahannam liya'bir an-nas 'alayhi ila al-jannah. C'est le pont qui est situé au-dessus de la jahannam que les gens traverseront pour aller vers le jannah. Et il est thabit bil kitab wa sunnah wa qawl as-salaf. من الأدلة في الكتاب قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها il n'y a aucun entre vous sans qu'il ne passe ce pont. فسرها عبد الله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط. Que parmi les salafs comme Ibn Mas'ud et d'autres, ils ont fait un tafsir de ce verset que c'est le sirat. Et d'autres comme Ibn Abbas, ils ont interprété ce verset comme étant le fait de rentrer au feu. Cependant, certains seront épargnés. وَجَا فِي حَدِيثِ آخَرَ مُتَّفَقُونَ عَلَيْهِ جَا فِي عَدَدْ أَحَادِيثِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ يُضْرَبُوا الْجِسْرِ عَلَى جَهَنَّمْ وَتَحِلُوا الشَّفَاعَ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. Qu'ensuite, lorsque tous les gens ils se rassembleront, le pont sera apporté au-dessus du Jahannam, d'accord, et que tous les anbiya diront oh Allah, épargne, épargne, c'est-à-dire que c'est le moment du passage sur le pont, et que les gens de la sunna ils sont muttafiqun ala isbati. C'est quoi ce sifat du pont? Dans un hadith, il est venu qu'il est le hadith fi kalam, qu'il est aussi fin qu'un cheveu et aussi aiguisé qu'une lame d'épée. Lakin hadith hada fi kalam. Amma ma jaha dans le muttafaqun alayhi مدحطة مزلة عليها خطاطيف وكلالب وحسكة مفلتحة لا شوكة وكيف تكون بجن أو بنجد تكون بنجد يقال لها السعدان رواه البخاري. Que ce pont justement il est extrêmement glissant, et qu'il y a comme des grosses pinces, des épines qui attrapent les gens, et ces épines ressemblent à ce qu'on appelle choukat Chouk, Sa'dan, sont comme des espèces de, il y a une plante avec des épines, Ça ressemble un peu à des gros orties, mais encore plus, comme un peu comme un cactus mais plus petit. Vraiment des épines, tu vois, bien pointues. Et il dit justement les pinces et les épines qui attrapent les gens ressembleront à ça, mais en plus grand encore, et que seul Allah connaît justement leur izam. Ce qui prouve encore une chose. Que les choses de l'akhira, il a fait un takrib pour que les gens arrivent à peu près à voir, à concevoir. Il a dit c'est comme Shouk Sa'dan, sauf que personne ne réalise la taille, leur immensité, si ce n'est Allah. Donc déjà quand tu regardes justement cette plante comment elle est déjà, ça t'effraie. À la base c'est petit, hein, ça rentre dans la main, tout petit. Donc les gens passant sur le Jahannam, sur le Sirat, au sud du Jahannam, Thumma il explique comment les gens vont passer sur ce Sirat. ce pont ne soit traversé que par les mu'minoun en fonction de leurs œuvres. Quand même, parce que les kuffars, c'est les kitab, c'est déjà avant le soleil tombant dans le feu. Et ça, c'est rapporté dans le hadith de Saïd, de Abi Saïd al-Khudri, radiallahu anhu. قال فيمر المؤمنون كالطرف كالطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاود الخير والركاب فناجح مسلم ومقدوش مرسل ومقدوس في جهنم qu'il a dit que justement les mu'minoun traverseront et cela en fonction de leurs œuvres. Certains le passeront à la vitesse d'un clin d'œil. D'autres comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme un oiseau, d'autres comme les meilleurs chevaux, quand même, ainsi de suite. Même certains le passeront en rampant. Et parmi eux, certains qui vont le passer directement, qui seront épargnés, et d'autres qui se feront écorcher par les pinces, et d'autres qui se feront attraper et qui tomberont dans l'enfer. Wallahi azbillah. Et ça, ce sont des gens qui ont que Allah veut châtier pour ce qu'ils auront fait dans cette dunya, pour ce qu'ils n'auront pas fait. Thumma haoula ahl kaba'ir min ahdi l'umma sayakhrujuna min an-nar bi shafa'at shafi'in. Idha kanu min ahl at-tawhid. Les premiers à passer ce sirat, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand même, et cette umma. Yakoulihi, fa'akun ana wa ummati awala man yujizuha. La yatakallamu yumaizin al-rusul, la yatakallamu yumaizin illa al-rusul, wa du'a al-rusul yumaizin Allahumma sallim sallim. Il dit, je suis le premier moi, ainsi que ma communauté, à passer ce pont. Et personne ne parlera ce jour-là si ce n'est le Rasoul. Et la invocation des Rasoul ce jour-là sera Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Non. Donc tout cela, on doit se préparer dès maintenant. Car ce sont des choses qui arriveront. Nous, on a pour croyance qu'elles arriveront. Et c'est maintenant, celui qui veut réussir le passage ou boire du haoud ou réaliser l'alikam yadil umur ou avoir hisab yassir, c'est maintenant qu'il doit agir. Car la dunya, c'est dar al-amel ou al-hisab. C'est la demeure des actes et pas des comptes. Et fil akhira, dar al-hisab ou al-amel. C'est que les comptes, plus d'œuvres. Tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras que subir. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wal jannatu wal nar makhluqatani la tanfiyani. Fal jannatu daru awliyaihi wal naru iqabun li a'daihi wa ahlul jannah. فيها مخلدون قال الله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم في مبلسون ويؤتى بالموت على بعض. Donc ce Jannah et ce Nar, le feu, le paradis sont déjà créés actuellement et seront éternellement habités par leurs gens. Les gens du Jannah au Jannah, les gens du Nar au Nar. Et les gens actuellement au Nar sont les koufars, bien évidemment. Donc ce Jannah a été fait pour qui? Pour les awliya, pour les mu'minin. Et le Nar, pour les a'da d'Allah, ses ennemis. Et les gens du Jannah, ils seront éternellement, comme on l'a dit. Et ceux du Nar, fi tafsil. Les gens de Tawhid en sortiront. D'accord? À la base, Jannah, c'est un boustan. Al-Kafi al-Arjar, c'est un jardin plein de plantes. L'al-Murad bihi, ou al-Jannah, est dar al-Khurd. C'est la maison de l'éternité, des délices éternels. Et parmi les preuves que le Jannah et Nar sont déjà créés, quand Allah Azza wa Jal, à propos du Jannah, Uiddat al-Muttaqin, qu'elle a été préparée pour les pieux, c'est-à-dire Uiddat a déjà été faite. Et pour les kuffars, قال عدت الكافرين النار وذا صلاة الكسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة كي لدي que j'ai vu le Jannah طيب et j'ai voulu attraper une de ses grappes Et si jamais je l'avais pris, vous en auriez mangé. D'accord ? Jusqu'à ce que, c'est-à-dire vous en auriez mangé, jusqu'à ce que cette dunia s'arrête, c'est-à-dire elle ne serait jamais arrêtée. Et j'ai vu le feu, et je n'ai jamais vu une vision si horrible que ce jour-ci, en parlant du feu. D'accord ? Et le Jannah et le Nar seront éternellement, continuellement présents. Comme on dit à Azawajal, جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Que à propos des gens du Jannah, que leur récompense sera auprès de leur Seigneur dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils seront éternellement. Le Jannah, une fois qu'il rentre, t'en sort plus. Donc les versets qui confirment le Jannah, le khuld fil Jannah kathira. Quant au feu, l'éternité dans le feu est cité dans certains versets, moins nombreux. Au minha, قال الله عز وجل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. Que certes ceux qui ont mécru ont été injustes, Allah ne leur pardonnera pas et ne le guidera sur aucune voie, sauf la voie du Jahannam où ils seront éternellement. Wa ayat ukhra. Et là, il y a eu, tu te rappelles, on a pris le khilaf dans le kitab de Shir Mohamed Al-Amin Shankiti, Al-Tirab, Al-Nidaf Al-Iham, dans lequel certaines personnes avaient pour croyance que le Nar finira par s'arrêter un jour. Ça a été un affaire rapporté également de Ibn Abbas. Rafi Kalam. Et parmi les choses sur lesquelles il se base, justement pour dire que le feu s'arrêtera un jour, Ala fi kulli azawajat, dans le verset dans Sourate Hud, فَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Que ceux qui ont été malheureux, ils seront dans le feu, d'accord, éternellement, tant que les cieux et la terre demeureront, sauf ce que ton Seigneur aura voulu. Sauf ce que ton Seigneur aura voulu. Là, Fikul Azza wa Jal, Illa ma sha'a rabbuk. Ça fait exception qu'il y a des gens que Allah ne voudra pas qu'ils restent au feu éternellement. Hada ouwila bi ahl al-tawhid. Les gens du tawhid qui ont fait des kaba'ir. Car là, illa ma sha'a rabbuk, là le ma ism mawsoul bi manzilat man. En général, ism mawsoul ma, c'est pour ce qui est ghayr aqil. Donc les gens pensent que illa ma sha'a rabbuk, c'est-à-dire tant que ton Seigneur le voudra. Et en réalité, c'est hormis ce que ton Seigneur voudra. C'est-à-dire pour les gens. Karma, des fois, il est utilisé pour man. Kafikullah Azawajel, comme il dit le même chant qui dit, il dit Fankihu ma taba lakum min nisa. Ma taba, il a dit ce qui vous plaît parmi les femmes. Et ma là, c'est pour les femmes. Pourtant, les femmes, c'est aqila. Et pourtant, c'est ma qui est venu, et pas man. Donc, il dit là, c'est la même chose. Donc, en fait, ton Seigneur enlèvera du feu qu'il voudra parmi, en fait, qui c'est ? Les gens qui auront le tawhid. Après, nous, on a caché, comme tu as entendu, d'autres adillas, et qui, au final, démontrent bien que le feu, il sera pour l'éternité, et parmi eux, des gens, ils seront pour l'éternité, c'est un koufar, d'autres en sortiront, et parmi eux, al-tawhid, ou ashab al-kabair, bishafa'atillahi azza wa jal, ou autre que lui. ثم يقول نكمل بهذا ويؤتى بالموت في سورة كبش أملح يذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. Ensuite on viendra avec la mort sous la forme d'un mouton qui sera égorgé entre le Jannah et le Nar. Ensuite, il sera dit, ô gens du paradis, éternité, plus de mort. Et ô vous, gens du feu, éternité, plus de mort. Ça, c'est après la sortie des gens du feu, bien évidemment. Donc là, même ça, c'est Adila qui démontre que les gens qui seront au feu, ce seront khuld, éternellement. Donc la mort sera égorgée. Ça, c'est une chose qui, également, qui a été reniée. Vous voyez, comme le Mu'tazila. Car pour eux, la mort, c'est une chose qui est adami, c'est-à-dire qui n'existe pas. La mort en soi, pour eux, c'est pas une chose concrète. Et on dit c'est une khata, car la mort, c'est une c'est une créature d'Allah, la mort. Donc si Allah il veut, il l'a fait mourir. Adama fi shay fi hada. Même s'il veut, il donne une forme. S'il veut donner la forme de la mort à un mouton, s'il veut, il le fait. Dans le verset, dans la baka, fa'alun lima yurid. Allah il fait ce qu'il veut. Donc là, les gens du Jannah ne connaîtront plus la mort. Les gens du feu kazalik ne connaîtront plus la mort. La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Ni ne vivent ni ne meurent kazalik dans le feu. Les gens. On va s'arrêter là, inshallah. Donc on a pris des points qui sont liés en façon résumée. Mima yahsul yawm al-qiyamah ba'd al-maut. Après il y a eu un khilaf dans le tartib des choses entre la balance, entre le gisre, entre le bassin. Il y a un khilaf. Parce qu'on n'a pas de dalil clair qui démontre dans quel ordre les choses se font. Il y a un khilaf dans quel ordre il se fait. Wa'akada. Naam. Et après on entre dans les fousoul, fi masail aqidiyya mutafarriqa. Un dernier fossil avec différents points également. On va commencer ici, inshallah. On va faire ça. Fa ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.